Et si tout compte fait, Erasme, Montaigne, Hobbes et Schopenhauer avaient raison. Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme, ou plus exactement, sapiens est un loup pour homo. Est-ce dans la nature de notre espèce de prendre la place, de bouleverser les écosystèmes, de les modifier, de tuer pour s'installer et se reproduire? Si ce qui a fait notre succès évolutif, à savoir nos compétences sociales, avait aussi forgé notre aspect invasif qui a conduit Sapiens à rayer de la carte toutes les autres espèces d'hominidés et à régner en maître absolu sur cette planète, nous en parlons avec le tout nouveau titulaire de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France, Jean-Jacques Hublin. Jean-Jacques Hublin, ça sent le sapiens, c'est le programme invasif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Jean-Jacques Hublin. Bonjour. Ravi de vous retrouver à ce micro, félicitations pour votre titularisation donc à cette chaire de paléoanthropologie au Collège de France, où vous étiez invité depuis 2014, vous avez donc prononcé votre leçon inaugurale, la deuxième, le 13 janvier dernier, avec ce titre « Homo sapiens, une espèce invasive ». Vous nous en donnerez la teneur, nous allons également évidemment revenir sur votre carrière et votre parcours professionnel dans quelques minutes, ce sera après celle qui est à l'origine du titre de l'émission du jour. Je balance. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette étude parue dans PLOS Climate. Le réchauffement climatique ne laissera aucun répit aux récifs coralliens. Oui, les récifs coralliens se développent dans des eaux plutôt chaudes, mais il existe des répits pour ces espèces. Avec des récifs dans des eaux plutôt froides, des zones peu profondes, ou qui bénéficient de courants froids, ou sur de hautes latitudes, c'est-à-dire plus au sud ou plus au nord, là où le stress thermique y est moins présent et qui sont censés être à l'abri des vagues de chaleur marine. Une équipe internationale s'est intéressée à ces zones refuges et à leur devenir face au réchauffement climatique. Ils ont analysé les données satellites des températures de surface des eaux de mer combinées à différents scénarios de réchauffement. Si les températures augmentent de 2 degrés, ce qui est notre trajectoire actuelle d'ici la fin du siècle, tous ces refuges thermiques devraient disparaître. Cette étude confirme que le réchauffement climatique sera catastrophique pour les récifs coralliens. Lucie Pénin est maître de conférence et spécialiste de l'écologie des récifs coralliens à l'Université de La Réunion. La présence de ces refuges est importante parce que les coraux ont un cycle de vie assez compliqué. On a tous en tête les coraux adultes qui sont accrochés au fond de la mer, au substrat, et qui vivent leur vie de corail. Mais ils ont un stade larvaire qui est, on dit, pélagique, c'est-à-dire que les larves nagent dans l'océan. Et c'est comme ça, finalement, que les coraux peuvent voyager. Les adultes sont accrochés à leur substrat, ils sont sédentaires. Les larves, elles, peuvent voyager dans les courants. Si un récif subit des pertes importantes du fait d'un événement de blanchissement corallien en lien avec une température trop chaude, du fait d'un cyclone, comme on en a actuellement à La Réunion, du fait d'événements catastrophiques d'hiver, à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait des nouveaux coraux qui puissent venir recoloniser cette zone qui a perdu ses adultes. Et pour ça, il faut qu'il y ait des zones qui soient encore intactes, où on peut avoir des adultes qui vont être des géniteurs qui vont fabriquer ces petites larves qui peuvent se promener dans les océans. Et donc c'est important d'avoir ces zones refuges qui ne subissent pas ou moins les assauts des changements climatiques pour pouvoir recoloniser les zones qui, elles, auront été malheureusement décimées au moins en partie par un événement de blanchissement corallien. On sait que si la température de l'eau augmente de 1,5 degré, il va y avoir seulement un petit nombre de récifs qui vont subir ces événements de blanchissement massif moins d'une fois tous les 10 ans. Et ce nombre devient vraiment très petit si on augmente de 2 degrés la température moyenne à l'échelle globale. Et le message de cet article, c'est qu'il est vraiment important de maintenir une augmentation de la température globale la plus petite possible, parce que un demi-degré d'écart a finalement un gros impact sur la capacité de certains récifs à fournir des jeunes pour recoloniser les récifs qui auraient été touchés par des événements de blanchissement massif. Voilà, vous pouvez, comme chaque jour, retrouver cette étude ainsi que toutes celles dont il sera question au cours du journal et de cette heure sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon le dernier rapport épidémiologique de l'Organisation mondiale de la santé, le sous-variant d'Omicron se propage rapidement. Et le sous-variant BA2, dit le variant furtif, car il est plus difficile à identifier par test PCR. Cette soulignée serait probablement plus contagieuse que la souche originelle Omicron. BA2 est présente aujourd'hui dans au moins 57 pays et elle commence à surpasser Omicron dans certaines parties de l'Europe et de l'Asie. Selon l'OMS, lors de la semaine du 24 au 31 janvier, ce sous-variant a infecté 22 millions de personnes avec 59 000 décès signalés. En 10 ans, le CNRS a perdu 11% de ses effectifs. Oui, c'est ce qu'a annoncé hier Antoine Petit, le patron et l'actuel président par intérim du CNRS. Son mandat est arrivé à terme et il est en lice pour un second mandat. Lors de son audition au Sénat hier, le PDG a donc défendu sa candidature et son bilan. Sur la période 2010 à 2020, le CNRS a perdu 11% de ses effectifs, soit environ 3000 postes. Alors dans son article, le journaliste du journal Le Monde, Sylvestre Huet, rappelle que dans la production scientifique mondiale, la France est en net recul et que nous sommes encore loin des 3% du PIB consacrés à la recherche et au développement. Sans opposition des élus, le mandat d'Antoine Petit devrait être reconduit. Et enfin, dans une étude dans la revue Cell Reports, les chercheurs décrivent la découverte d'une nouvelle forme de communication neuronale. Oui, la communication entre neurones, non pas par synapse, mais par transfert de protéines. Alors nous avions déjà observé ce mécanisme interneuronal, mais seulement dans le cas de troubles neurodégénératifs, les protéines tau par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs britanniques ont identifié ce type de communication, mais dans des cerveaux de rats en bonne santé. Ils ont découvert, par marquage biomoléculaire, que des protéines avaient été transportées de la rétine jusque dans, dans les neurones du cortex visuel des rongeurs. Par spectroscopie de masse, ils ont identifié environ 200 protéines acheminées par voie transneuronale. Cette découverte ouvre de nombreuses perspectives pour le traitement des troubles neurologiques. Merci beaucoup Natacha Triou pour le titre et pour ce journal des sciences. Et on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. Qui dira, en tout cas à ce micro, que la paléoanthropologie est une science obscure qui n'intéresse personne? Votre leçon inaugurale, Jean-Jacques Hublin, au Collège de France, que vous avez donnée le 13 janvier dernier, qui est disponible sur la plateforme YouTube, a été vue plus de 30 000 fois. On en écoute un extrait. Merci, cher Thomas, pour cette introduction. En fait, tu as véritablement touché plusieurs questions qui vont être évoquées dans la suite de mon exposé. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mes amis, mesdames, messieurs, nouveau dans un lieu qui m'est bien connu, je me présente devant vous pour cette leçon inaugurale de la nouvelle chaire de paléanthropologie du Collège de France, dans ce bel amphithéâtre Marguerite de Navarre qui m'est devenu familier au cours des dernières années. Voilà, une introduction de cette leçon inaugurale dont vous allez nous détailler la substance que l'on peut retrouver. On vous met évidemment le lien sur notre fil Twitter. 30 000 vues, Jean-Jacques Hublin, c'est presque le stade Chamond-Delmas de Bordeaux. J'ai cherché. Ça fait du monde quand même. La question des origines et la question de la place de l'homme dans la nature, c'est une question en fait qui agite les hommes depuis toujours. Et pendant très longtemps, c'est quelque chose qui a été, si je peux dire, traité sur un terrain plutôt mythologique. Et dans le fond, la paléanthropologie, elle a pris le relais au milieu du 19e siècle. Et elle a gardé un peu cette fonction, c'est-à-dire qu'il y a un versant scientifique de la discipline, qui est une discipline tout à fait sérieuse et qui a connu de nombreux progrès ces dernières décennies. Mais il ne faut pas se cacher qu'il y a toujours le côté storytelling. Mmh. Voilà, autrefois, le vieil homme de la tribu s'asseyait près du feu et il racontait des histoires sur les ancêtres et tout le monde écoutait. Et dans le fond, aujourd'hui, tout le monde écoute. Alors, écoute YouTube plutôt. Hein. Mais c'est toujours quand même la même fascination pour cette question d'où venons-nous, qui sommes-nous, et qui est une question scientifique, mais aussi un peu métaphysique. Mais c'est intéressant parce que, alors déjà, moi je suis toujours séduit par l'idée que un scientifique émérite comme vous, dans ce domaine ou dans un autre, puisse réunir l'équivalent d'un stade de football rempli. C'est tout, parce que je parlais du stade Chaban-Delmas puisque vous avez enseigné longtemps à Bordeaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en paléoanthropologie, Jean-Jacques Hublin, vous le dites, ainsi que vos collègues qui sont succédés à ce micro, justement, le storytelling, c'est normalement plutôt un ennemi. C'est-à-dire que se dire, on est obligé d'utiliser le storytelling pour remplir les blancs, mais on aimerait pouvoir s'en départir parce que c'est à cause du storytelling qu'on a imaginé que Néandertal était un cousin retardé et qu'il a fallu lutter pour rétablir la vérité paléoanthropologique. Bah, le côté négatif du storytelling, c'est qu'effectivement, on remplit les blancs avec des histoires qui peuvent être en fait essentiellement l'expression d'une ambiance idéologique du moment. Donc les hommes du 19e siècle se voyaient et voyaient le passé avec leurs yeux du 19e siècle. Et il ne faut pas se voiler la face. Nous faisons pareil aujourd'hui. Nous projetons sur le passé nos lubies du présent. Et après, on peut voir aussi le verre à moitié plein et dire, dans le fond, c'est aussi cette fascination pour ce storytelling et pour ce récit des origines qui pratiquement, j'allais dire, fait vivre la discipline, parce qu'elle suscite un tel intérêt dans le public. Dans le fond, pratiquement, tous les pays développés ont des programmes de recherche. C'est une activité. Alors évidemment, on peut toujours rêver, imaginer qu'on pourrait avoir beaucoup plus de moyens, mais honnêtement, il y a quand même un vrai intérêt, j'allais dire, de la société en général. Hein, pour cette discipline. Et ça, c'est lié, je pense, peut-être plus justement à ce versant un peu mythe des origines qu'avec un versant strictement scientifique. Alors, on reviendra sur cette thèse que vous développez dans cette leçon inaugurale, à savoir que Homo sapiens est une espèce invasive tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, justement, on va revenir un peu sur votre parcours, Jean-Jacques Hublin, parce que vous avez, entre le début de votre carrière en paléoanthropologie, entre votre thèse à la fin des années 70 et aujourd'hui, vous avez traversé une période où, finalement, cette discipline a été complètement bouleversé de l'intérieur, c'est-à-dire à la fois dans ses pratiques et à la fois dans sa narration. C'est-à-dire que d'un seul coup, on passait d'une histoire linéaire et relativement horizontale à une histoire totalement buissonnante et radicalement différente. Première question là-dessus, avant de voir justement vos premiers travaux, à quel moment vous commencez, vous, à vous intéresser à ce récit des origines? Qu'est-ce qui vous conduit à aller à l'université Pierre et Marie Curie pour faire de la recherche en géologie et paléontologie à l'époque? Ah ben, vous savez, quand j'étais en classe de 4e, j'ai eu droit à un prix scolaire. À l'époque, on avait des prix scolaires qui étaient des livres. Et c'était un ouvrage coordonné par le roi Gourand, qui s'appelait La Préhistoire. Et voilà, j'ai dévoré ce livre, et je n'ai eu de cesse que de pouvoir participer à des fouilles sur des sites paléolithiques. Donc pour moi, cette fascination, elle remonte à la petite adolescence, on va dire. Hein. Et voilà, j'ai tracé mon chemin dans cette direction. Alors, quand même avec des tentations d'aller plutôt du côté archéologique des choses, parfois plutôt du côté géologique, paléontologique. Bon, finalement, j'ai eu la chance de rencontrer des scientifiques qui m'ont, dans le fond, montré que la façon d'aborder la question de l'évolution humaine, c'était justement une synthèse de disciplines qui étaient très différentes. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé dans la seconde moitié du XXe siècle, avec des gens comme Francis Clark Howell, en particulier aux États-Unis, qui ont vraiment forgé ce concept de paléoanthropologie. Une science qui s'intéresse à la fois au comportement, à l'environnement, à la géographie, à la faune, et évidemment aux hommes eux-mêmes et à leur reste fossile. Et finalement, quand j'ai été recruté par la société Max Planck en Allemagne en 2004, ben là j'ai eu la chance, j'ai eu surtout les moyens de pouvoir rassembler une équipe qui justement faisait toutes les choses que moi je ne pouvais pas faire tout seul. À savoir ? Vous savez, quand j'étais étudiant, pendant un moment, j'avais même pensé faire de la géochimie. Bon, finalement, ça ne s'est pas concrétisé, heureusement peut-être. Voilà, à Leipzig, j'ai pu avoir dans mon laboratoire des jeunes chercheurs qui faisaient de la géochimie. De la géochimie appliquée à des questions qui touchent à l'évolution humaine, au comportement des hommes dans le passé, à leur déplacement, par exemple, dans le paysage, ou ce qu'ils mangeaient, des choses comme ça. Francis Clark Howell, que vous avez connu, je crois, et que vous admirez beaucoup, et vous dites, c'est assez amusant, vous dites que lui, en l'occurrence, il était tout le temps sur le terrain, mais il a quasiment jamais rien trouvé, en fait. On reviendra sur Jebel Iroud, mais vous avez eu la chance tout de même à un moment donné de revenir sur un gisement qui a changé, qui a refait un peu plus buissonner cette histoire qui était déjà très buissonnante avant. Alors, c'est un peu rude de dire que Clark Howell n'a jamais rien trouvé. C'est vous qui le dites, non, c'est pas moi. Non, ce qui est vrai, c'est qu'en termes de d'hominines fossiles, de restes, il n'a jamais rien trouvé de très spectaculaire. Il a conduit une mission dans la vallée de l'Omo qui a récolté pas mal de dents isolées, qui sont très intéressantes, mais malgré son investissement sur le terrain, il a jamais été exposé à une découverte extraordinaire. La vallée de l'Omo, je vous interromps, c'est Omo, c'est en Éthiopie, des spécimens d'Homo sapiens archaïque, hein, c'est ça? Ah non, lui, on y a découvert des sapiens archaïques, mais lui, l'intéressait, c'était les Australopithèques. Ouais. Hein. D'ailleurs, il y avait dans cette histoire-là Yves Coppens, il y avait des scientifiques autres qui ont participé, je voulais dire à Rambourg, non pas Chavaillon. Donc il y avait une équipe internationale. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Clark Howell, je trouve, c'est que c'était un scientifique absolument hors pair. Mais son histoire nous montre que, dans le fond, les fossiles sont rares, ils sont difficiles à trouver. Et je connais des tas d'histoires de gens qui ont travaillé toute leur carrière sur le terrain, qui ont étudié des sites, qui ont découvert beaucoup de matériel archéologique. Ça, par contre, c'est très abondant. Maintenant, des découvertes de fossiles d'hominines, c'est pas garanti du tout. Je ne sais pas si la citation est de vous, mais dites, faites le travail d'archéologie, de paléo-anthropologue ou de paléo-archéologue sur le terrain, c'est comme un homme ivre dans une petite ruelle qui cherche ses clés dans le ray d'un seul réverbère. Oui, j'ai utilisé cette image pendant ma leçon inaugurale, essentiellement pour souligner un autre problème. C'est que dans le fond, on ne peut trouver que là où on cherche. Et il faut bien se rendre compte que tout au long de l'histoire de la paléanthropologie, on n'a pas cherché partout, on a cherché dans des endroits particuliers, d'abord en Europe, parce que c'est là que la discipline est née, et puis ensuite on a cherché en Asie, en Indonésie, en Chine, beaucoup plus tard en Afrique. Et le continent africain, par exemple, qu'on considère comme vraiment le berceau des hominines et le berceau de notre espèce, dans le fond, si on considère sa taille gigantesque, on se rend compte qu'il y a énormément de régions dans lesquelles on n'a pas de d'hominines fossiles, par exemple. Et cela, ça tient au fait qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus propices que d'autres à la conservation, pour des raisons géologiques, climatiques, de végétation, etc. Et puis après, il y a des faits purement contingents. La politique, les frontières, l'économie, le développement académique, la langue. Donc pour ma leçon inaugurale, j'ai montré une photo des sites dans la partie sud de l'Afrique qu'on considère comme des sites importants pour discuter de l'origine de notre espèce. Et un peu en forme de boutade, j'ai dit, on a l'impression que ces premiers sapiens connaissaient déjà les frontières de l'Afrique du Sud. parce que tous les sites pratiquement sont contenus dans les frontières de l'Afrique du Sud. C'est juste que, l'Angola, le Mozambique, pendant longtemps, c'était des endroits pas très facile. Et donc, il y a ce biais qui est très important. Et on a souvent tendance à croire que les cartes de répartition qu'on peut construire de sites archéologiques ou de fossiles, dans le fond, sont des cartes qui sont toujours fidèles en termes de restitution du passé. Alors, c'est parfois le cas, mais pas toujours et en fait pas souvent. Alors on va revenir justement sur vous, sur ce que vous avez mis au jour et notamment Djebel Irhoud. Vous étiez déjà venu parler, donc on va pas y passer l'heure, mais j'aimerais qu'on vous repose une ou deux questions et de voir comment cette pièce du puzzle vous a permis de forger finalement cette vision que vous avez de l'évolution humaine et que vous avez exposée dans votre leçon inaugurale. Mais avant, j'aimerais vous faire écouter la voix de quelqu'un que vous connaissez un peu. Depuis quelques années, des fouilles intensives ont été entreprises aussi bien en Europe qu'en Afrique et en Asie en vue de retrouver les fossiles des grands primates hominoïdes de la fin du tertiaire, primates que l'on pense être à l'origine des hominidés. Les découvertes sont nombreuses et les plus importantes concernent les ramapithèques, connus maintenant sur tout l'Ancien Monde, et l'Ouranopithèque, découvert récemment en Grèce par Louis de Bonis. Ces grands primates ont vécu à la fin des temps miocènes et au début du pliocène, disons entre 14 millions d'années et 8 millions d'années, mais leurs restes sont malheureusement très fragmentaires. Nous n'en connaissons pratiquement que la face et la denture. Cet état de fragmentation n'empêche que nous trouvons dans l'étude de ces fossiles toute une série d'informations particulièrement intéressantes. Certains d'entre eux, par exemple, montrent une face relativement courte. Or, c'est une des particularités de l'homme comparé aux autres primates que d'avoir une face courte et une denture réduite. On trouve aussi dans la morphologie et la structure des dents de ces primates de la fin du Miocène, des ressemblances étroites avec la denture de l'homme actuel. Jean-Jacques Hublin, je vous laisse commenter. Oui, c'est Bernard van der Merge, bien sûr, et sa diction inimitable. Bernard van der Merge, c'est quelqu'un qui m'est très cher. D'abord, ça a été mon professeur quand j'étais étudiant. C'est avec lui que j'ai passé ma première thèse. Et Bernard van der Merge, dans cet extrait, parle des périodes anciennes de l'évolution des hominines. Mais en fait, sa grande contribution scientifique est énorme et d'ailleurs qui, je pense, d'une certaine façon, n'est pas toujours évaluée à sa juste valeur. Ce sont ses travaux au Proche-Orient, en Israël, et ses fouilles, en particulier à Djebel Kafzeh, où il a pu montrer, et c'était pas du tout évident à l'époque, hein, dans les années 1970, et ben il a montré qu'il y avait des formes proches de l'homme actuel qui étaient plus anciennes que les hommes de Néandertal qu'on connaissait en Europe, par exemple. Et donc ça a été un point absolument décisif pour paver, si je peux dire, la route de l'origine africaine de l'Homo sapiens et de l'idée que cette histoire de l'Homo sapiens était une histoire beaucoup plus ancienne que ce que l'on avait imaginé jusqu'alors. Alors justement, cette histoire très ancienne de l'Homo sapiens, c'est assez amusant. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus parce que j'ai cherché dans vos interviews précédentes et j'ai pas trouvé. Vous passez donc votre premier doctorat donc avec Bernard van der Merge à l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie en 1978, et dès 1980, on vous met entre les mains une petite mandibule Irhoud 3. Oui, alors, vous savez, dans ce laboratoire de l'Université Pierre et Marie Curie, il y avait un bureau qui était le bureau du professeur Pifto. Le professeur Pifto, c'était un membre de l'Académie des sciences qui avait produit un traité de paléontologie tout à fait célèbre, que tout le monde connaissait et utilisait. Et donc, c'était, quand moi j'étais jeune chercheur, c'était un monsieur déjà très âgé. Et on se croisait de temps en temps dans le couloir. Et de façon un petit peu surprenante, un jour, il m'a fait venir dans son bureau et il a sorti d'un tiroir une boîte en me disant « Hublin, est-ce que ça vous intéresserait d'étudier ce fossile ?» Et il m'a sorti cette petite mandibule qui venait de Djebel Irhoud, justement. Alors évidemment, j'avais jamais encore eu l'occasion de décrire un fossile original, de publier quelque chose qui était complètement inconnu. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et dans le fond, cette première étude de la mandibule de Djebel Irhoud, que j'ai menée en collaboration avec une jeune chercheuse qui était dans le même laboratoire, qui s'appelle Anne-Marie Tillier, eh bien, c'est quelque chose qui m'a vraiment mis, si je peux dire, l'eau à la bouche sur cette question de l'origine africaine d'Homo sapiens. Alors, j'ai continué pendant très longtemps à travailler plutôt sur Néandertal, ses origines, son évolution, mais j'avais toujours, si je peux dire, le rêve de pouvoir retourner à Djebel Irhoud, parce que c'était un gisement qu'on connaissait depuis assez longtemps. Depuis les années 60? Oui, c'est ça. On avait, à Djebel Irhoud, on avait découvert par accident, c'était en fait des mineurs hein, qui avaient découvert un crâne, qui était très très curieux, parce que à l'époque, on pensait que c'était une sorte d'homme de Néandertal africain. Mais après l'étude de cette petite mandibule d'enfant, en regardant de plus près tout ce matériel, eh bien, il m'est apparu que c'était absolument pas une interprétation sérieuse, raisonnable. Et en fait, ces hommes de Djebel Irhoud représentaient plutôt une forme très très primitive d'Homo sapiens. Mais jusqu'à 2017, dans le fond, le gros point d'interrogation, ça a été l'âge de ces fossiles. Et donc, dans les modèles qui sont construits au cours des années 80, 90, et même plus tard, on a eu toujours tendance à considérer que, dans le fond, c'était en Afrique de l'Est, ou peut-être en Afrique du Sud, que ça se passait. Que Sapiens apparaissait. Voilà, il y avait entre guillemets, un jardin d'Éden dans lequel, de façon un peu adamique d'ailleurs, notre homme véritable était apparu. Et pour moi, c'est vraiment l'histoire de l'ivrogne qui cherche ses clés dans la lumière du sol réverbère allumé. Hein. C'est-à-dire que les gens allaient en Afrique du Sud parce qu'il y avait des fossiles, parce que c'est là qu'on trouvait. Et donc, quand on avait des crédits pour aller sur le terrain en Afrique, c'est là qu'il fallait aller. Et on trouvait énormément de choses. Et donc, l'Afrique, en particulier l'Afrique du Nord, le Maghreb, qui en fait est aussi une région relativement riche en fossiles d'hominines, eh bien, elle était un petit peu regardée comme un espèce de Far West où avaient vécu des formes un peu primitives, éloignées en fait de l'origine directe de notre espèce. Et donc vous retournez au début des années 2000 à Djebel Irhoud, vous poursuivez les fouilles, ce qui amène à cette publication de 2017, et donc finalement ce qui permet de confirmer ou de conforter ou d'établir peut-être cette thèse que vous allez par la suite développer, de se dire donc il n'y a pas donc d'origine adamique unique, d'émergence solitaire de sapiens dans un coin, mais au contraire, puisque à Djebel Irhoud, je vais renvoyer évidemment les auditrices et les auditeurs au moment vous étiez venu pour parler de cette découverte en 2017 déjà dans la méthode scientifique, vous trouvez des fossiles que vous datez de 300 000 ans et qui sont des sapiens archaïques. Oui, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que dans le fond, on évoquait au début de notre entretien cette fascination des sociétés humaines pour la question des origines. Mais il y a un corollaire à ça, c'est que toutes ces sociétés humaines, dans le fond, elles aiment bien l'idée que quand même, il y a un moment d'apparition. Et qu'à partir de ce moment d'apparition, on a affaire à un homme véritable. Un homme comme vous et moi. Ce qu'on appelle avec beaucoup de guillemets l'homme moderne. Voilà. Et simplement, bon, la différence entre nous et cet homme moderne, ancien, c'est une différence culturelle, une différence d'innovation technique qui ne se sont pas encore produites. Alors en réalité, je pense que le résultat le plus important de Djebel Irhoud, au-delà de la question de savoir si c'est le Maroc, l'Afrique de l'Est, ou en fait moi je pense que c'est toute l'Afrique, je pense que le résultat le plus important, c'est de montrer que en fait, il n'y a pas de moment adamique. C'est-à-dire que l'évolution, Elle ne s'est jamais arrêtée. Et il y a une séparation entre les lignées qui vont donner l'homme de Néandertal en Europe et les Denisoviens en Asie, et puis celle qui va donner notre espèce en Afrique. Mais dans le fond, quand on explore ces lignées, mais on se rend compte que plus on découvre de matériel, et moins on trouve de moments de points singuliers. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une évolution assez progressive. Alors, il y a peut-être des moments d'accélération, mais certainement pas des coupures. Et donc, les hommes de Djebel Iroud... Et des impasses ? Alors, il y a certainement, enfin, c'est plus difficile. Des impasses, c'est tout un sujet. L'évolution, c'est une grande histoire d'extinction. Hein. Mmh. Donc, des extinctions d'espèces. J'allais dire, la destinée des espèces, pratiquement, c'est de s'éteindre. Hein. C'est d'ailleurs ce qui laisse la place à d'autres. Mais à une échelle beaucoup plus petite, évidemment, quand on regarde ce qui se passe dans les, j'allais dire, dans la lignée néandertalienne, par exemple, il est certain qu'on a probablement une multitude d'extinctions locales de populations qui, pour des raisons qui peuvent être tout bêtement la dégradation de l'environnement à un moment donné dans une région donnée, disparaissent, s'éteignent. Alors ça veut dire que les gens meurent d'un coup, mais ça veut dire simplement que voilà, ils ont moins d'enfants qui survivent, et puis à un moment donné, il n'y a plus personne. Et le monde paléolithique, c'est un monde très vide. Hein, évidemment, aujourd'hui, on a une terre qui est très densément peuplée par les hommes. Et souvent, on trouve dans des atlas, des articles scientifiques, des cartes de répartition de l'homme de Néandertal, des Denisoviens, etc., avec des belles taches de couleurs et des flèches qui se promènent dans tous les sens. En fait, ça trahit énormément la réalité, parce que, en fait, ces cartes, ce sont des palimpsestes qui accumulent des données sur des grandes, grandes durées. Et à un moment donné du passé, bien, il faut bien s'imaginer que l'Europe, par exemple, était occupée dans certaines zones et pas dans d'autres, qui étaient assez peu favorables aux hommes. Alors, ça veut dire qu'ils y allaient jamais, mais enfin, c'était pas terrible pour y vivre en permanence. Hein. Et donc, on a ces groupes humains qui sont disjoints, tantôt en communication, mais tantôt séparés les uns des autres. Et puis, effectivement, pas mal de branches qui s'éteignent. Mmh. Et ce qui nous amène à votre thèse, la thèse que vous développez, selon laquelle Homo sapiens serait une espèce invasive, puisque de toutes ces espèces, il n'en reste qu'une. Pourquoi, comment sommes-nous foncièrement mauvais ? Restez avec nous, on en parle dans un instant. Species de Lotte Sommer à 16h35 sur France Culture, puisque c'est d'espèces que nous parlons, et plus précisément de l'espèce humaine et de l'espèce Homo sapiens. Faut-il d'ailleurs parler d'espèce ? C'est une des questions que nous allons aborder avec Jean-Jacques Hublin, qui est notre invité tout au long de cette heure, récent titulaire définitif ou permanent maintenant de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France. D'ailleurs, oui, espèce, c'est une notion... C'est un mot, une terminologie qu'il faut oublier, qu'il faut questionner. Qu'est-ce qu'on en fait de ce mot espèce, Jean-Jacques Hublin ? Bon, on aimerait bien s'en débarrasser, mais on a beaucoup de mal. Hein. Vous savez, si on veut dresser la liste des espèces en voie de disparition, par exemple, c'est bien d'avoir des noms à leur donner. Hein. Donc, d'aucuns pensent que la terminologie latine des espèces, telle qu'elle a été conçue par Linné, c'est quelque chose qui est complètement ringard. On n'a pas trouvé vraiment de solution alternative pour nommer plus du million d'espèces qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a probablement le double ou le triple qu'on n'a pas encore découverte. Alors la notion d'espèce, en fait, y a deux façons de l'aborder. Il y a une façon un peu, pas typologique, mais en tout cas morphologique, c'est-à-dire que dans le fond, on reconnaît que dans la nature, il y a des entités qu'on peut définir par des caractères, et donc ça, la plupart des gens font ça. C'est-à-dire, ils voient bien qu'une vache, c'est pas un âne, qu'elle a des caractères différents. Et puis, il y a aussi la notion d'isolement reproductif. C'est une communauté d'êtres qui peuvent se reproduire. Et donc, ces deux notions, elles se superposent, elles se complètent déjà depuis ça a commencé au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Hein. Et en fait, ça aboutit au milieu du XXe siècle à une définition par les néo-darwiniens, hein, les tenants de la théorie synthétique de l'évolution, qui a vraiment mis l'accent sur cette notion d'isolement reproductif. Et en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'avec le séquençage très facile maintenant et peu coûteux du génome de nombreuses créatures, on se rend compte que, en fait, des espèces parfois séparées depuis plusieurs millions d'années continuent à garder une capacité à échanger du matériel génétique. Et donc, la façon dont on peut concevoir les espèces, ce sont en fait des lignées de ce qu'on appelle des métapopulations, donc des ensembles de populations, qui évoluent de façon plus ou moins isolée les unes des autres, mais je dis plus ou moins, puisqu'il y a cette perméabilité génétique. Et dans le fond, l'isolement reproductif, c'est un des critères qui peut se mettre en place, mais pas forcément. Et il y en a d'autres qui se mettent en place, d'où d'ailleurs la floraison de définition de l'espèce auquel on a assisté depuis la proposition d'Ernst Mayr en 1942 de cette définition du concept biologique de l'espèce. Et dans le fond, pour revenir à nos sapiens, nos néandertals, etc., ce à quoi on assiste chez les hominines, ce sont en fait des séparations entre des espèces qu'on pourrait qualifier de en voie de formation. Et ce qui est intéressant, c'est que sapiens et néandertal, par exemple, ont connu plusieurs épisodes pendant lesquels il y a du matériel génétique qui est passé d'un groupe dans l'autre. C'est une histoire ancienne, en fait. Hein, ça a commencé il y a déjà 200 000 ou 300 000 ans. Mais ça les a pas empêchés de continuer à évoluer de façon indépendante et même de diverger de plus en plus. C'est-à-dire que les derniers néandertaliens sont beaucoup plus différents des derniers sapiens qu'on connaisse que leurs ancêtres très très lointains. Et dans le fond, c'est ça une espèce. Et peut-être qu'il faut pas trop se polariser sur cette question d'interfécondité, qui est encore une fois quelque chose ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'isolement reproductif, c'est quelque chose qui se met en place assez progressivement en général, hein. On a des hybrides, mais ils sont moins féconds que les individus des populations mères. Et puis un jour, il y a un des deux sexes qui devient complètement stérile, et puis après, ils deviennent complètement isolés. Et donc, avec Néandertal, par exemple, on a l'impression qu'on est sur ce chemin-là, c'est-à-dire que les hybrides mâles semblent avoir eu quelques problèmes du côté de leur fécondité, par exemple. Donc c'est vraiment cette... Comment on a cette information-là, par exemple ? C'est assez simple. Si on regarde l'expression du génome néandertalien dans les différents organes du corps, eh bien l'organe dans lequel le génome néandertalien est le moins exprimé sont les testicules. Et donc ça, bah, l'explication, elle est assez simple. C'est que les hybrides mâles, ils ont eu peu de chance de transmettre leur génome à une descendance. Il y a aussi, on peut regarder la distribution du génome néandertalien dans le chromosome X par rapport aux autres chromosomes. Là aussi, on voit qu'il y a une différence assez marquée. Donc on a des indices de ce genre qui montrent qu'on est sur ce chemin. Alors vous, malgré tout utiliser ce dont le langage français dispose, à savoir le mot espèce que vous utilisez même dans le titre de votre leçon inaugurale, puisque le titre de votre leçon inaugurale c'est Sapiens, espèce invasive. La question qui est une question qui reste une question en suspens, mais à laquelle vous apportez une interprétation, c'est pourquoi on est passé il y a un demi-million d'années à plusieurs groupes humains distincts d'un seul coup à 150 000, 100 000 ans, plus qu'un seul, à peu près. Moins que ça. 50 000. Ouais, 40 000. 40 000 Néandertal. Ouais. Alors, 40 000. Vous dites, Jean-Jacques Hublin, dans votre leçon inaugurale, en fait, pendant longtemps, Sapiens se tient assez sage, et puis d'un seul coup, ça devient explosif. Oui, enfin, il se tient assez sage. Disons qu'il faut bien se rendre compte que le monde d'aujourd'hui, où il y a une seule espèce dominine qui peuple toute la planète, et qui nous paraît être le monde normal... Eh bien, c'est un monde qui n'a jamais existé dans le passé, quasiment avant 40 000 ans. Donc on a toujours des groupes qui peuvent être d'ailleurs très différents les uns des autres. Pensez à l'homme de Flores, hein, cette espèce de petit hobbit là qui a existé il y a encore 50 000 ans dans une île indonésienne. Donc on a des hominines très différents qui vivent en général dans des régions séparées. Et ça, c'est le schéma, je dirais, normal depuis plusieurs millions d'années. Et alors, dans ces espèces qui se partagent la planète, il y en a une qui est africaine, qui, j'allais dire, est une espèce comme les autres. Alors, elle fait partie du groupe des espèces plutôt à grand cerveau. Mais elle évolue d'ailleurs dans la même direction que les autres, hein, vers des comportements de plus en plus complexes, une meilleure capacité à exploiter l'environnement, etc. Mais les choses s'accélèrent. Alors on va la trouver d'abord en dehors d'Afrique, au Proche-Orient, sans doute pour des raisons qui sont liées à des fluctuations de l'environnement, en gros des verdissements de zones désertiques qui font que ces populations africaines elles vont voir un peu dehors. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a la première introgression d'ADN africain dans les Néandertaliens d'Eurasie. Et puis, il y a un peu moins de 50 000 ans, elles ont commencé à aller carrément beaucoup plus haut en latitude. Et là, elles vont dans le domaine des Néandertaliens en Europe, des Denisoviens en Asie. Ça va prendre longtemps, hein, ça va prendre plusieurs milliers d'années avant qu'elles ne les remplacent. Mais à la fin, cette espèce africaine va finir par remplacer toutes les autres. Alors je dis remplacer, c'est un remplacement avec des fuites, hein, parce que y a toujours cette possibilité d'hybridation. Donc il y a un peu d'ADN qui passe. Mais un peu, quoi, pas beaucoup. Et 4% de Néandertal pour les populations d'Afrique, entre 2 et 4%. Plutôt 2% en moyenne, c'est plutôt entre 1 et 4. Hein. Et puis après, on pourrait discuter très longuement de savoir sur ces 2%, quel pourcentage des 2% a réellement un effet sur nos caractères, notre phénotype, notre anatomie, notre physiologie, etc. Peut-être pas beaucoup, en fait. Et donc, voilà, donc vraiment ce qui fascine dans cette histoire, c'est ce côté invasif, c'est-à-dire une espèce qui sort... Alors quand on parle d'espèces invasives, en général, ce sont les hommes hein, qui les sortent de leur zone éco-géographique pour les transporter ailleurs. Mais là, c'est une espèce qui s'est transportée toute seule ailleurs. Et puis, dans le fond, partout où elle va aller, elle va faire baisser la biodiversité. C'est ce que font les espèces invasives. Hein. Et ça touche... alors, on parle beaucoup des autres espèces dominines, mais ça touche aussi toutes les autres espèces vivantes. Hein. Il y a quand même beaucoup d'extinctions qui sont à mettre à notre... Oui, parce que quand on parle des extinctions d'espèces récentes, on parle de la chute de la biodiversité actuelle, mais vous dites dans votre leçon inaugurale qu'on estime qu'au cours des 50 000 dernières années, la biomasse des mammifères sauvages a été divisée par 7 du fait de la prédation humaine. Ben oui, en fait, ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est qu'on a l'impression que Encore une fois, cette espèce, elle fait un petit peu ce que font les autres, hein, les Néandertals, les Denisoviens, etc. Bon, c'est une espèce prédatrice, hein, donc des gens qui chassent, qui collectent des végétaux. Mais disons qu'elle a, elle a une façon de, d'exploiter l'environnement, une façon de, j'allais dire, de presser le citron, qui est quand même un peu plus efficace et même de plus en plus efficace. Et on en voit les résultats aujourd'hui. Et donc, en fait, des extinctions d'espèces animales ont lieu bien avant l'ère industrielle. Évidemment, aujourd'hui, on est complètement inquiet de cette sixième grande extinction. Qui va surtout beaucoup plus vite. C'est surtout la rapidité qui marque l'extinction actuelle. Mais il faut bien se rendre compte que notre espèce, quand elle a pénétré, alors surtout quand elle a pénétré dans des zones où il n'y avait pas eu d'hominine avant, et où donc la faune n'avait pas eu le temps de coévoluer, de s'habituer à la présence des hommes. L'Australie, les Amériques, alors je ne parle même pas des îles et des endroits comme ça. Là, l'effet quand même a été assez dramatique pour la faune locale. Et ça, c'est des choses qui remontent à 14 000 ans, 40 000 ans. Enfin, c'est très ancien. Alors, évidemment, quand les hommes se sont mis à modifier l'environnement, alors pas seulement en mettant le feu de temps en temps à un bout de forêt, comme pouvaient le faire des chasseurs-cueilleurs paléolithiques, mais vraiment en exploitant le paysage, si je peux dire, en ayant des champs cultivés, en ayant du bétail, en ayant des rizières, ben là, ils vont commencer en fait à altérer un petit peu le climat, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qui commence tout doucement, déjà au néolithique, et qui va évidemment s'accélérer énormément quand on se rapproche de la période actuelle. Alors, on va redire un mot justement de ces différentes extinctions et des raisons que vous leur supposez. Mais à propos de Néandertal, il y a encore beaucoup de débats sur la part et l'implication directe de Sapiens sur cette extinction. Pour trancher cette question, eh bien évidemment, retour aux recherches qui peuvent se poursuivre dans les indices fossiles retrouvés dans les fouilles. Et on va donc filer en direction des collections de l'Institut de paléontologie humaine du Muséum national d'histoire naturelle. Avec vous, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, leur disparition est complexe à étudier car dispersée dans le temps et dans l'espace. J'ai rencontré Marie-Hélène Moncel, qui est directrice de recherche au CNRS et spécialiste des comportements humains, en particulier des outillages et des modes d'occupation des plus anciens peuplements en Europe jusqu'aux Néandertaliens. Alors selon elle, il manque encore des preuves solides pour établir la ou les causes de leur disparition, et notamment le rôle potentiel d'Homo sapiens. Mais pour résoudre cette question, Marie-Hélène Moncel étudie leur mode de vie justement et leurs pratiques à travers les outils fossilisés pour tenter de dégager des éléments de réponse. Souvent, chaque phénomène a une explication multifactorielle. Mais il y a une hypothèse qui semble être assez souvent retenue, c'est le dynamisme démographique et la taille des groupes humains. Il semble que les premiers hommes modernes avaient des groupes humains plus grands, plus larges, avec un dynamisme démographique peut-être plus important que pour Néandertal, qui était peut-être composé de groupes plus petits, moins dynamiques démographiquement, et donc qui occupaient l'espace de manière différente, dans une période de temps où on sait qu'il y a une instabilité climatique assez forte, qui peut être associé à ce dynamisme démographique différent, va peut-être conduire à leur disparition. Mais ça, ce n'est qu'une hypothèse, malheureusement, parce qu'on a du mal à comprendre vraiment les raisons. On est sur des périodes de longue durée. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils vont disparaître en une génération. On a énormément de collections ici. Ah oui, voilà. J'ai choisi des tonnes et des tonnes de... De silex et d'os. Oh, il y a beaucoup de collections et d'archives. Oui, beaucoup, beaucoup. Matériel. Ouais, c'est des millions. Oui, c'est monstrueux. On n'a même pas une idée exacte de la quantité de ce qu'on a. Donc, je travaille sur tous les hominidés qui ont vécu sur Terre avant l'homme moderne. Et en particulier, surtout l'Europe, donc l'Europe néandertale. Néandertal, c'est un Européen, un des premiers Européens. Et ma spécialité, ce sont surtout les outils, la technologie, la manière dont ces hominidés fabriquaient des outils. Alors ici, j'ai beaucoup de matériel provenant des fouilles de France, notamment de la vallée du Rhône. C'est un site notamment sur lequel je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années, qu'on appelle l'Abri du Maras, Alors ce site est passionnant parce qu'il a livré plusieurs niveaux d'occupation par les Néandertaliens et pendant des périodes climatiques différentes. Par exemple, à la base, ils sont là quand le milieu est plutôt tempéré, donc une végétation plutôt forestière avec des animaux adaptés à ces environnements tempérés. Et après, la séquence stratigraphique montre que les niveaux les plus récents sont dans un contexte plus frais, plus froid. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comparer leur comportement par rapport à ces milieux différents. Quelles espèces ils vont chasser? Est-ce qu'ils viennent plus longtemps ou moins longtemps dans le site? Par exemple, on a pu montrer que certaines couches sont des occupations très courtes, ponctuelles, par exemple une pour chasser surtout le renne, sans doute des rennes migrateurs qui circulaient entre la vallée du Rhône et le massif central, et dans d'autres couches, au contraire, des occupations plus longues avec plus grande diversité d'espèces. Par exemple, ils chassaient des bisons, ils chassaient des chevaux, des cervidés. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les stratégies que ces Néandertaliens ont su trouver pour s'adapter, donc la flexibilité extraordinaire de ces hominidés. Alors, je peux vous montrer quelques pièces. On peut aller peut-être s'asseoir. Alors là, dans ce site, ils ont surtout utilisé du silex qu'ils récupéraient dans un périmètre environ de 30 km autour du site. Donc, ils étaient assez capables de trouver tous les différents gîtes pour récupérer des silex. Donc, c'était dans cette région de France un comportement assez de collecteur, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils récupéraient un peu tous les types de silex qui étaient dans leur environnement, selon leur mobilité. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, quand ils allaient d'un site à un autre, ils pouvaient récupérer du silex, ou alors à partir de leur habitat. Ils apportaient ce silex dans le site, parfois déjà en partie taillé ou parfois sous forme de nodules, de galets de silex, et ensuite ils le débitaient. Ils le débitaient. Alors ils le taillaient, c'est-à-dire qu'ils fabriquaient. Là, par exemple, on a un petit, ce qu'on appelle un nucléus. Quand même net. Voilà, c'est un nucléus, en fait, c'est un fragment qui reste. À partir de là, ils ont extrait des éclats, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des morceaux de ce silex, et les petits bords coupants vont être utilisés comme outils. Ils peuvent parfois les retoucher, et donc à partir de là, on peut arriver à avoir une idée des traditions techniques, c'est-à-dire que pour fabriquer ces outils, ils ont appliqué un certain nombre de règles qui caractérisent un groupe humain. Ah, donc et on peut retrouver le procédé en observant, en examinant la morphologie. Tout à fait. Et puis on retrouve surtout la manière dont ils ont tourné le bloc dans la main. Ils ont donc extrait des fragments et la manière de faire peut être caractéristique d'un groupe de Néandertaliens. Et donc l'objectif de nous en tant que préhistoriens, c'est de comparer les sites entre eux pour voir si au niveau par exemple d'une région, il y avait une tradition régionale qui était mise en place ou alors au contraire une diversité de groupes avec des méthodes de fabrication des outils. Il y a également des méthodes qui permettent de regarder au microscope les tranchants de ces outils et de voir à quoi ils ont servi. Est-ce qu'ils ont servi à découper, à gratter, à travailler du bois, à découper de la viande, de la peau? Et ça nous permet de rentrer très très loin dans ce que j'appelle le monde de l'invisible, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé comme fonction, comme activité dans le site, et donc de comprendre un petit peu, de rentrer oui, dans le mode de vie de ces Néandertaliens, et de voir dans un cadre particulier, dans un paysage particulier, avec un climat particulier, quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées. Donc vous nous l'avez dit, vous étudiez à la fois les origines, le comportement, les pratiques, les savoir-faire, mais aussi les raisons de son déclin. Alors voilà, ce que je me dis, que comprendre l'origine, c'est aussi peut-être comprendre leur fin, comprendre la cohérence d'un monde qui a disparu, et donc la cohérence d'un autre hominidé, et de voir dans quel contexte ils se mettent en place, et donc de comprendre un peu leur manière d'occuper l'espace. Et donc il est possible que par l'arrivée de ces premiers groupes humains, même si au début il n'y a pas vraiment de compétition, puisque l'espace est assez grand, la densité est très faible, et du reste les premiers sapiens qui arrivent en Europe, d'après les données que l'on a, ne vont pas durer très longtemps, ils vont peut-être même se mélanger avec les Néandertaliens, mais il est possible que sur le long terme, tout doucement, les groupes humains qui sont plus dynamiques démographiquement, ben, ils vont perdurer, vont s'installer, et donc tout doucement vont disparaître ces Néandertaliens qui vont se retrouver fragmentés dans l'espace avec beaucoup moins de contacts possibles, et donc tout doucement vont disparaître. Jean-Jacques Hublin, une réaction à ce reportage, à cette hypothèse qui... Oui, oui. En fait, moi, je suis toujours un peu embêté par les discussions sur les raisons de la disparition des Néandertaliens. Alors, d'abord, il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient nous exonérer de la responsabilité de cette disparition. Donc, plus beaucoup aujourd'hui. On parle beaucoup du climat, des rayons cosmiques, des éruptions volcaniques, enfin tout un tas de causes naturelles. C'est un peu un marronnier de la littérature scientifique. De temps en temps, il y a un article « Pourquoi les Néandertaliens ont-ils disparu ?» En fait, la vraie question, c'est pas ça, c'est pourquoi tout a disparu devant Homo sapiens. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, Homo sapiens Au départ, c'est une espèce un peu comme les autres. D'ailleurs, sur le plan du comportement, il se comporte un peu comme les Néandertaliens. Et on voit, par exemple, au Proche-Orient, autour de 150 000, 100 000, 60 000, des allers-retours, un groupe remplace l'autre, etc. Mais à un moment donné, là, ça se complique pour les autres, parce qu'il va y avoir une expansion de notre espèce, qui fait que, en gros, à la fin, elle va finir par remplacer à peu près n'importe quoi qu'elle trouve sur son chemin. Alors, c'est pas un phénomène qui est instantané, c'est complexe. Par exemple, en Europe, entre l'arrivée des premiers sapiens dans l'est de l'Europe et la disparition des derniers néandertaliens dans l'ouest de l'Europe, il y a au moins 6000 ans. Alors, 6000 ans, on peut dire. C'est pas tant que ça, 6000 ans. Attendez, pour des hommes, c'est très long, 6000 ans. Oui, c'est... Imaginez-vous ce qui se passait dans l'histoire, il y a 6000 ans. Hein. Donc, on est avant la pyramide de Khéops. Hein. Et donc, même bien avant. Oui. Bien avant. Et donc, voilà, c'est pas une espèce de vague comme ça, qui de façon irrésistible. Mais à la fin, quand même, ce qui est intéressant, c'est que le point commun de toutes ces disparitions, c'est l'arrivée de notre espèce qui finit par emporter le morceau, si je peux dire. Alors, quand on a affaire à des espèces invasives autres, je sais pas, des histoires d'écrevisses, de crapauds, d'oiseaux, en fait, ce qu'on dit, ils ont un succès reproductif plus grand. Eh ben, nous aussi, on a eu un succès reproductif plus grand. C'est-à-dire que, dans le fond, le cocktail de caractères, aussi bien sur le plan technique, culturel... Social, vous dites surtout. Oui, social, même psychologique. Ce cocktail de caractères a fait qu'à la fin, voilà, les uns ont eu plus d'enfants qui survivaient et les autres moins. Alors que le climat, par exemple, ait pu jouer un rôle accélérateur dans une certaine région, certainement. Mais dans le fond, on peut aussi rétorquer que les Néandertaliens, ils en ont vu de belles côté climat pendant 400 000 ans ou quelque chose comme ça. Donc des cycles glaciaires, interglaciaires, il y a eu des crises environnementales. Et dans le fond, même si leurs populations se sont réduites, ils ont toujours fini par se redéployer sur le continent européen. Et dans le fond, là, ce qui est particulier, c'est que au milieu de ces fluctuations, il y a un nouvel acteur sur la scène. Et ce nouvel acteur, à partir d'un certain moment, il est capable de recoloniser plus rapidement et de façon plus efficace des cases vides dans cet échiquier géographique où il y a des zones qui deviennent habitables, d'autres qui le sont moins. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, l'Homo sapiens ne remplace pas seulement les Néandertaliens, mais les Denisoviens en Asie, l'homme de Flores à Flores et tout ce qu'il a pu trouver ailleurs. Voilà. On vous écouterait pendant des heures, ça tombe bien, on peut vous écouter pendant un peu plus d'une heure, en plus évidemment de la méthode scientifique. C'est votre leçon inaugurale au Collège de France, Homo sapiens, une espèce invasive, point d'interrogation. Puis il y aura évidemment toutes les autres conférences de ce cycle. Maintenant que vous êtes titulaire de la chaire de paléoanthropologie, on vous met évidemment bien sûr tous les liens sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Merci beaucoup Jean-Jacques Hulin d'être revenu nous parler dans la méthode scientifique. C'est toujours un plaisir de vous accueillir et à très bientôt. Eh bien merci de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir de venir. À très bientôt. France Culture. Mais pour tout France Culture. La méthode scientifique, en l'occurrence, c'est Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Villefranc, Amel Boucherka, Olivier Bétard à la réalisation, Audrey Galil à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur franceculture.fr, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, ou au moins jusqu'à la fin de la civilisation d'Homo sapiens, jusqu'à preuve du contraire.